Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Sous-Rodriguez et la reconnaissance légale du suicide assisté. Soon I will be unable to walk. I will be unable to breathe without a respirator. Whose body is this? Who owns my life? C'est un véritable cri du cœur qu'adresse Sous-Rodriguez, cette résidente de la Colombie-Britannique atteinte de la maladie de Lou Gehrig, aux parlementaires fédéraux en novembre 1992. « Je ne serai bientôt plus capable de marcher, non plus que de respirer sans l'assistance d'un respirateur. À qui appartient donc mon corps? Qui est donc propriétaire de ma vie? » lance Sous-Rodriguez dans une vidéo qu'elle fait parvenir aux membres d'un sous-comité des communes à Ottawa, à qui elle demande de légaliser le suicide assisté pour des personnes comme elle, qui sont condamnés à mort, mais qui sont incapables de mettre fin à leurs jours sans l'aide d'un médecin. L'affaire Sous-Rodriguez va se rendre jusqu'en Cour suprême en 1993. La Cour va rejeter sa demande d'autoriser le suicide assisté dans certaines circonstances. Sous-Rodriguez va s'éteindre dans sa maison de Victoria le 12 février 1994. La mort de Sous-Rodriguez était planifiée depuis la mi-janvier. Cette femme de 43 ans, atteinte d'une maladie dégénérescente en phase avancée, est morte samedi grâce à l'assistance d'un médecin à sa résidence de Victoria, en Colombie-Britannique. Il y avait un seul autre témoin, le député néo-démocrate Sven Robinson, un ami de la malade, qui a raconté, brisé par l'émotion, les derniers moments de Sous-Rodriguez, morte dans ses bras. I held her in my arms. She peacefully lapsed into unconsciousness and stopped breathing approximately 2 hours later. Elle a cessé de respirer 2 heures après l'intervention du médecin, après quoi Sven Robinson a appelé la police puisqu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Il refuse de révéler l'identité du médecin comme le lui a demandé Sous-Rodriguez, mais il se dit confiant de ne pas avoir commis d'acte criminel. Elle m'avait demandé d'être avec elle lors de sa mort. J'avais promis d'être là pour elle et je n'ai absolument aucun regret d'avoir été là. Extrait d'un reportage de Guy Gendron diffusé au Montréal ce soir, le 14 février 1994, quelques jours après la mort de Sous-Rodriguez. Pour revenir sur cette affaire, l'affaire Sous-Rodriguez, cette affaire qui a tant marqué les esprits à l'époque, je reçois l'ex-député néo-démocrate et ami de Sous-Rodriguez, Sven Robinson. Sven Robinson, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Merci d'être avec nous, Sven Robinson. Déjà, ce que vous venez d'entendre, ça doit vous, évidemment, vous replonger dans des souvenirs, dans beaucoup d'émotions. Commençons par ça, par sa mort, par ce moment-là. Vous l'avez accompagné dans la mort en février 94, Sous-Rodriguez. Vous l'avez accompagné tout au cours de son combat pour faire changer la loi dans les mois et les années qui ont précédé sa mort. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce moment précis que représente pour vous cet épisode de la mort de Sous-Rodriguez? Pour moi, la plus importante, c'était le courage incroyable de Sous-Rodriguez. Et en ce moment, aussi sa sérénité. Elle était prête, elle avait planifié tout ça. Et moi, en tant qu'ami de Sous-Rodriguez, pour moi, c'était un honneur de l'accompagner. Je l'avais promis qu'elle n'allait pas être seule lors de sa mort, et j'étais là pour l'accompagner. La mort de Sou avait touché tous les Canadiens, toutes les Canadiennes, Québécois. C'était vraiment incroyable comment cette femme et sa lutte pour le droit de mourir dans la dignité avait touché tout le monde. Mais pour moi, c'était une amie, c'était une femme courageuse et j'étais là pour l'appuyer. Et pour vous, c'est un geste double, le geste d'amitié, le geste de l'ami que vous êtes, qui lui a dit « je serai là pour toi, avec toi », mais aussi le combat politique. Vous êtes politicien, vous êtes à la Chambre des communes à Ottawa à ce moment-là. Il y a ces deux dimensions, j'imagine, qui vous habitent dans ces derniers moments de la vie de Sous-Rodriguez. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et c'était ces deux chemins, en effet, qui avait vraiment rendu si puissant la lutte de Sous-Rodriguez. Parce que, oui, elle était avocate, et moi, en tant que député, j'étais, par exemple, j'étais membre du comité de la justice quand elle avait posé la question fondamentale, si je ne peux consentir à ma propre mort, qui contrôle mon corps? Qui contrôle ma vie? J'étais avec elle au comité, j'étais avec Sue dans la cour, à tous les niveaux de la cour en Colombie-Britannique et la Cour suprême. Nous étions ensemble dans sa maison en regardant la télé. Et après sa mort, évidemment, j'avais fait tout mon possible pour faire changer la loi. Oui. Elle ne gagnera pas cette bataille, Sven Robinson, Sue Rodriguez. Elle va devoir donc illégalement mettre fin à ses jours avec l'aide d'un médecin. Est-ce qu'elle avait compris qu'elle ne gagnerait pas? Absolument, oui. J'étais avec Sue quand nous avons reçu l'appel de l'avocat de Sue, Chris Considine, le 30 septembre 1993. Et il nous avait donné la décision de la Cour suprême du Canada, et c'était très serré, hein, c'était 5 contre 4, mais nous avons perdu. Elle avait pleuré un peu, évidemment, mais je n'oublierai jamais ces mots. Elle m'a dit, oui, Sven, c'est vrai qu'on a perdu dans la Cour suprême, mais c'est moi qui a le dernier mot. Oui. Oui. Et voilà, elle avait le dernier mot. Parlons un petit peu d'elle. C'était votre amie. Parlez-moi de... On l'a connue, évidemment, par cette affaire-là, par cette bataille qu'elle a menée, par ce combat politique qu'elle a livré. Mais au-delà de ça, parlez-moi de votre amie, de Sue Rodriguez. Quel genre de femme était-elle, Sven Robinson? Elle était une femme digne et courageuse. Elle était une mère très, très fière de son fils, Cole. Elle avait vraiment peur de ce qui allait se passer avec Cole après sa mort. Elle était une épouse dans une relation difficile. Et ils étaient séparés, mais après, son conjoint est revenu l'appuyer dans ses derniers jours. Elle était sportive. Elle était, avant le diagnostic, elle était sportive, très, très sportive. Mais avant tout, c'était une femme qui était prête à sacrifier ses derniers mois pour faire changer la loi. Et moi, pour moi, c'était un sacrifice et une lutte vraiment incroyable. Et qu'est-ce qui fait que vous décidez, à un moment donné, justement, de vous joindre à elle dans cette lutte-là, dans cette bataille-là? C'est probablement, puis vous me corrigerez, mais l'un des principaux combats politiques que vous avez menés, Sven Robinson. Absolument, oui. Et pendant les 25 ans que j'étais député, il y avait pas mal de combats, hein, dans plusieurs domaines. Mais pour moi, c'était le combat vraiment le plus touchant, le plus puissant, et le combat où j'espère que j'ai pu faire une différence avec Sue. Parce qu'à l'époque, c'était tout nouveau, hein, ce combat. Mais c'était vraiment incroyable après la mort de Sue, par exemple. J'ai reçu des milliers de lettres de membres de famille, de médecins, d'infirmières, qui m'avaient raconté leur histoire. Et même si ça a pris quelques 25 ans pour gagner cette lutte dans la Cour suprême, dans le cas de Carter, c'était vraiment Sue qui avait mis sur le plancher, le plan médiatique, cette lutte. Et moi, pouvoir l'accompagner dans cette lutte, oui, c'était le plus grand honneur, je crois, politique de ma vie. Ouais. Et ça a été une sacrée bataille, puis vous le dites, puis on y reviendra sur le fait que la Cour suprême, des années plus tard, va restatuer sur le même genre de questions en changeant complètement d'opinion avec un jugement contraire à celui de l'affaire Sue Rodriguez. Mais ça a été vraiment une lutte, toute une lutte, une sacrée lutte. Vous l'avez un petit peu évoqué il y a quelques minutes. Ça va, évidemment, ça va se retrouver devant les tribunaux, mais ça va aussi passer par la sphère politique. En novembre 92, Sue Rodriguez plaide sa cause devant les parlementaires à Ottawa. Elle fait parvenir aux membres d'un sous-comité des communes qui examine sa demande de légaliser le suicide assisté dans certaines conditions. Un témoignage qu'elle fait parvenir par bande vidéo. Ça va nous permettre... On va écouter un extrait de ce témoignage, mais d'abord la réaction d'un des membres de ce comité, le député libéral Don Boudria, et ça va nous permettre ensuite, Sven Robinson, de mesurer un peu ce qui était en cause à l'époque, où en étaient, au fond, les parlementaires à ce moment-là sur cette question du suicide assisté. Mais donc, extrait de Don Boudria d'abord. When people can't attend a meeting, they send a brief. Habituellement, lorsque les gens ne peuvent pas assister à une réunion, ils envoient un mémoire. Mais ici, au lieu d'un mémoire, on nous a envoyé une cassette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on y voit une personne en train de mourir, que c'est dramatique et que c'est précisément ce qu'on veut nous montrer. On veut faire avancer cette cause en présentant un seul aspect. Tant que je serai législateur, je veillerai à ce qu'on n'adopte pas une telle loi, parce que c'est immoral. Will not be passed so long as I'm a legislator, because it is wrong. Why it is illegal for someone to assist me? Pourquoi est-ce illégal pour quelqu'un de m'aider à faire quelque chose de légal? C'est un paradoxe que je ne comprendrai jamais. Mais pire encore, c'est un paradoxe qui me fait beaucoup souffrir, mentalement et physiquement. It is a paradox which forces me to suffer greatly, both mentally and physically. Donc, un extrait du message vidéo qu'envoie Sue Rodriguez aux députés fédéraux en novembre 1992 dans un sous-comité parlementaire et juste avant la réaction du député libéral Don Boudria à l'époque à l'envoi de ce message vidéo par Sue Rodriguez. On va parler de ce que ça crée comme choc aux communes, les demandes de Sue Rodriguez dans un instant. Mais un petit mot, Sven Robinson, pour me dire comment vous avez réagi à l'époque quand vous avez entendu Don Boudria dire ce qu'il vient de dire. Bon, quand Don Boudria nous dit que c'est pas juste qu'elle soit témoin en vidéo parce que ça va vraiment influencer les membres du comité, c'était vrai. C'était justement exactement pour cette raison que j'avais demandé au comité de l'entendre. Mais soyons très clairs, dans cette question de droit de mourir dans la dignité, les députés, les politiciens étaient loin, loin, loin derrière la population et le point de vue de la population. Et c'était seulement à cause de la Charte des droits et libertés que la loi a changé. Et c'est très intéressant, M. Beauchamp, parce que c'est pas seulement dans ce domaine de mourir dans la dignité, mais aussi, par exemple, les droits des gays et lesbiennes, l'avortement. Sans la Charte des droits et libertés, les politiciens n'auraient pas réagi. Et les Don Boudria, par exemple, auraient réussi à bloquer les changements nécessaires. Est-ce que c'est de la... À l'époque, les réticences, comment vous les interprétez? C'est de la mauvaise foi? C'est du conservatisme? C'est de l'ignorance? Non, c'était pas mauvaise foi. C'était, par exemple, l'influence très, très puissante de l'Église catholique, soyons clairs. L'Église a mené une campagne très, très puissante avec tous les députés et dans les églises, les prêtres ont demandé aux membres de l'Église de parler avec leurs députés pour s'opposer au droit de mourir dans la dignité. Évidemment, des députés comme Boudria étaient influencés par ça aussi et leurs convictions personnelles. Oui. Alors, la voie politique, ce sera un échec. Il restera la voie juridique. Et là, ce sera aussi une assez longue... Tout est relatif, parce qu'il faut que ça aille vite. Elle est très malade, sur Rodriguez, mais j'allais dire que ce sera une assez longue saga. Le passage devant les tribunaux de la Colombie-Britannique. Et puis, on va petit à petit se retrouver à la Cour suprême du Canada en mai 1993. Sur quoi doit statuer la Cour à ce moment-là? En 93, c'était vraiment sur la question de l'impact de la clause 7 de la Charte des droits et libertés. Et les juges étaient très divisés. Mais pour moi, le jugement le plus important, c'était le jugement, et pour Sue Rodriguez aussi, c'était le jugement de l'ancien juge Corey. Il a dit ces mots que je veux répéter parce que c'était vraiment l'essentiel. Des quatre qui étaient dissidents. Il a dit des interdictions édictées par l'État qui imposeraient une mort atroce et douloureuse à un malade en phase terminale, handicapé et lucide, constitueraient une insulte à la dignité humaine. Et ça, c'était l'essentiel de notre position devant la Cour. Mais il reste que, puis vous le disiez, c'est un jugement très, très serré, 5 juges contre 4, mais il reste que, au final, le jugement de la Cour suprême, le 30 septembre 1993, interdit donc à Sue Rodriguez de pouvoir bénéficier légalement du suicide oui. assisté. On écoute la journaliste Julie Miville-Dechêne, à l'époque, expliquer sur quoi tient ce jugement. La Cour dit que l'interdiction de l'aide au suicide n'est ni arbitraire ni injuste, compte tenu des craintes d'abus et de la grande difficulté à élaborer des garanties adéquates. La Cour dit qu'il vaut surtout protéger les personnes vulnérables. Il y avait tout de même 4 des 5 juges qui étaient prêts à accéder à la demande de Sue Rodriguez. Tout à fait. Le juge en chef et aussi les 2 femmes juges de la Cour suprême qui sont en dissidence. Alors, selon les dissidents, en légalisant le suicide, mais en rendant illégal le suicide assisté, on refuse à certaines personnes le droit de mettre fin à leur jour uniquement sur la base du fait qu'ils sont handicapés et donc ils ne peuvent pas mettre fin à leur jour eux-mêmes. Donc 5-4, Sven Robinson, c'est très serré. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté du non? Je crois que c'était une certaine réticence de la part, par exemple, du juge Sopinka, qui avait peur que ça allait, qu'il allait y avoir une pente glissante, si on peut le dire, hein, et des abus. C'était évidemment pas le cas, mais pour moi, le plus important, c'est le fait que une des 4 juges dissidents, c'était Beverly McLaughlin, hein, et quelques années après, en 2015. C'était la même juge Beverly McLaughlin, à l'époque juge en chef de la Cour suprême, qui avait mené à une décision unanime, incroyable vraiment, hein, unanime de la Cour suprême. Alors voilà le changement, et on avait vu par exemple qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays. Il n'y avait pas de pente glissante comme l'avaient prévu les juges majoritaires en 93. Ouais. Donc, il fallait du temps, probablement, pour qu'on prenne acte du fait que ça puisse exister, le suicide assisté dans certaines conditions, sans que ça ne mène, justement, à ces dérapages que vous évoquiez. Puis, il faut le dire, il faut être honnête, à l'époque, Sven Robinson, vous disiez, il y a quelques minutes, les politiciens, probablement les juges aussi, étaient en retard sur la population canadienne, ou en tout cas une partie de la population canadienne. Mais il faut dire qu'ils n'étaient pas seuls. En 93, il y a encore assez peu d'États où le suicide assisté est légal. C'est vrai, absolument, c'est vrai. Mais je veux aussi rendre hommage au fait que le Québec a vraiment été de l'avant dans cette question. Je me souviens, par exemple, la députée québécoise, mon amie Francine Lalonde, qui était vraiment avait lutté férocement pour les changements. Je me souviens que c'était au Québec en 2014, je crois, où Véronique Yvon et d'autres députés québécois avaient adopter un projet de loi. Alors, dans cette question, vraiment, le Québec était bien avant les autres provinces. Oui. Vous disiez un peu plus tôt, je vous posais la question, est-ce qu'elle a compris à un moment donné qu'elle perdrait sa bataille? Puis vous dites oui, bien sûr, à partir du moment où la Cour suprême lui dit non, elle sait qu'il ne lui reste plus qu'une option, mais elle sait que c'est elle qui aura, je reprends vos paroles, qui a le dernier mot. De fait, donc, le 12 février 1994, puis on revient à cet extrait qu'on entendait au tout début de l'émission, vous êtes à ses côtés au moment où, donc, avec l'aide d'un médecin, Sue Rodriguez décide de partir, de mettre fin à ses jours en recourant donc au suicide assisté. Quel impact va avoir ce geste-là à l'époque dans la population canadienne? C'était vraiment incroyable. Comme je vous ai dit avant, j'ai reçu des messages des milliers de Canadiens partout dans le pays. Même les députés les plus conservateurs, les réformistes à l'époque, hein, Preston Manning et les réformistes, c'était vraiment intéressant. Ils avaient demandé un référendum sur cette question. Et je n'oublierai jamais, par exemple, j'ai lancé un défi au chef du parti d'extrême droite, le Reformist Party. Pourquoi pas un référendum dans votre comté, Monsieur Manning? Il m'a dit oui, j'accepte. Il avait lancé un référendum et la majorité avait appuyé le changement. Est-ce qu'il avait appuyé? Non. Mais là encore, le courage de Sue et le trajet, les gens avaient suivi Sue Par exemple, quand j'avais accompagné Sue dans les cafés, les restaurants à Victoria, les gens avaient applaudi quand ils avaient vu Sue. Quand j'étais avec Sue à Stanley Park, à Vancouver, les gens avaient arrêté pour partager leurs histoires personnelles avec Sue. C'était vraiment incroyable de voir comment elle avait touché personnellement les gens. Bonjour, ici Joanne Arcan. C'est un jugement historique. La Cour suprême du Canada, dans un jugement unanime, autorise le suicide assisté dans des circonstances bien précises. Le tribunal invalide ainsi l'article du Code criminel qui interdit à un médecin d'aider quelqu'un à s'enlever la vie. Nous rejoignons Madeleine Blais-Morin à Ottawa. Alors, Madeleine, comment ce jugement va-t-il se traduire pour le gouvernement et les provinces? Bien, il faudra voir, parce que la Cour suspend sa décision pendant un an pour donner justement le temps au fédéral et aux provinces d'adapter leurs lois, mais déjà, la Cour a établi des balises claires, le cadre est défini. Donc, elle déclare qu'on ne pourra interdire l'aide d'un médecin à mourir à un adulte capable, qui consent clairement à mettre fin à sa vie, qui souffre de problèmes de santé graves et irrémédiables, des problèmes de santé qui lui causent une souffrance persistante et intolérable, que cette souffrance soit physique ou psychologique. La Cour ne force pas ainsi, Joanne, les médecins à dispenser une aide médicale à mourir. Elle déclare que la suite dépendra du Parlement, dépendra des provinces, et elle ne se prononce pas spécifiquement sur la loi 52 au Québec sur l'aide médicale à mourir, mais les paramètres fixés par la Cour rejoignent en bonne partie ceux de la loi provinciale. Le 6 février 2015, on vient de l'entendre, la Cour suprême déclare inconstitutionnelle l'interdiction du suicide assisté dans certaines circonstances. La Cour, au fond, donne raison à Sue Rodriguez plus de 20 ans après sa mort. En 2016, l'année suivante, il y a une loi fédérale qui va donc permettre le suicide assisté, l'aide médicale à mourir dans certaines conditions. Comment vous avez réagi, Sven Robinson, quand ce jugement est arrivé, quand l'adoption de cette loi est arrivée? Bon, c'était un moment très émouvant, évidemment, très émotionnel. Il y avait des larmes parce que j'avais pensé justement à Sue et le fait que 22 ans après la décision originale de la Cour suprême, une autre Cour suprême a dit à l'unanimité « vous aviez raison, Sue Rodriguez ». Et la lutte qu'elle avait menée, c'était vraiment... responsable pour ce changement. Je n'ai aucun doute. Évidemment, il y a les autres personnes qui étaient dans la Cour, mais c'était Sue qui avait tout d'abord mené cette lutte. Et j'ai pensé surtout à elle ce jour-là. Oui. Sven Robinson, ex-député, militant pour les droits de la personne, merci beaucoup. Merci à vous, M. Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.